24-2, tous les mardis de 18h à 19h, des invités, du foot et de la rigolade. C'est la lumière, d'augmenter la dose. J'profite de l'instant car mes ennemis ne font pas de pause. Elle fait des vibes, j'lui dis viens on vibe. Elle me dit t'es pas un mec bien, et je sens qu'elle me travaille. Elle fait kiffer le poste, le traficante. Moi j'la veux entière, j'veux pas juste la fréquenter. Je pense qu'elle me sous-estime, chérie j'suis capable du pire. J'suis capable du meilleur, mais ça j'peux pas trop te le dire. Bon, reste avec moi, juste una noche. Ton mec n'est pas capable, il est bourré, il est fauché. C'est pas la bonne paire que t'as chaussé, pas le bon fond de teint que t'as sur les fossettes. Avec moi t'auras tout, et tout ça sans négocier. Baisser la lumière, augmenter la dose. On dirait qu'elle marche calibrée, j'ai le cœur qui explose. Cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse. Avec moi ils roulent en RS4. Certaines donnent plus la patte. Si je kiffe sur toi t'as de la chatte. J'suis dans la boîte, c'est dans la boîte. J'fais des millions, tu fais des squats. Si je rentre bourré, j'te casse les pattes. J'fais des millions, tu fais des squats. Juste una noche. Ton mec n'est pas capable, il est bourré, il est fauché. C'est pas la bonne paire que t'as chaussé. Pas le bon fond de teint que t'as sur les fossettes. Avec moi t'auras tout, et tout ça sans négocier. En baisser la lumière, augmenter la dose. On dirait qu'elle marche calibrée. J'ai le cœur qui explose. Cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse. Baissez la lumière, augmentez la dose. On dirait qu'elle marche calibrée. J'ai le balmain qui explose. Cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse, cette femme est dangereuse. Et toi tu vas. 4-4-2, tous les mardis de 18h à 19h, des invités, du foot et de la rigolade. Il est 18h, c'est Cyril, nous sommes en direct des studios de la radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM à Orléans, place au football, place à 4-4-2, votre émission football du mardi soir, 4-4-2, 74e émission ce soir. C'est Aurèle qui m'accompagne ce soir pour cette émission, salut Aurèle. Salut Cyril. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Et puis on a également l'USM Saran qui est avec nous, notamment avec Jean-Marie Bijota, le président de l'USM Saran. Bonsoir Cyril. Bonsoir Jean-Marie. Donc il connaît les studios Jean-Marie, c'est pas la première fois qu'il vient nous voir. C'est vrai. Alors Jean-Marie, il est plus à Orléans, donc il est... Tout à l'heure tu nous disais que tu étais dans le Bordelais. J'ai fait un choix de vie pour une proximité familiale, donc j'habite maintenant à Saint-Émilion, c'est pas désagréable non plus. J'imagine. Et puis après, on a également Benoît Loncin qui est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Aurèle et bonsoir Jean-Marie, bonsoir Cyril. Donc Benoît qui est partenaire de l'USM Saran, Burger King, voilà, on va le citer, qui est un fidèle et partenaire majeur du club de l'USM Saran, donc qui va nous accompagner ce soir pour cette émission. Voilà, donc comme vous avez pu voir ce soir, pas de générique habituel. C'est une volonté de notre part, une volonté de la part d'Aurèle et de moi-même, pour faire une émission un peu particulière ce soir. On est tous sous l'émotion. C'est vraiment une grande émotion parce que on a appris malheureusement le décès de Amélie Grison, qui est partie trop tôt, beaucoup trop tôt, à 20 ans dimanche. Donc voilà, cette émission lui est dédiée. En tout cas, Yann Grison, qui est un amoureux de football avant tout, hein, de l'US Orléans, on va les citer, qui est un fidèle, et d'autres clubs également, mais du football en général. Et puis un fidèle auditeur de 4K2, parce que tous les mardis, il nous écoute, donc on le remerciera jamais assez. Et voilà, c'est avec émotion. Ce soir, on va essayer avec Aurèle de pas craquer. C'est ça. Parce que c'est compliqué. Moi, j'apprécie beaucoup Franck, son frère, que je connais un peu plus que Yann. Mais en tout cas, cette émission est pour toi, Amélie, si tu nous écoutes là-haut. Et puis, pour la maman, la maman d'Amélie, le frère d'Amélie, son conjoint. juin, etc., etc. Voilà. Donc, on va passer sur l'émission, parce que l'émission aujourd'hui, c'est l'USM Saran. L'USM Saran, il se passe pas mal de choses. Il y a un grand jeu qui va arriver à la fin de saison. On est assez curieux. Il y a plus Yann Lachueur, il y a des nouveaux partenaires. Ils sont pas en National 3. J'y comprends plus rien. Hein. Donc, en tout cas, on va parler de l'USM Saran. Mais avant tout, c'est le sommaire de l'émission de ce soir. Alors, le sommaire, il est simple. C'est l'USM Saran. L'USM Saran. Le sommaire de l'émission. Alors, ma petite musique. Donc, le sommaire de l'émission, émission spéciale, je voulais dire, Audi. Alors, on va parler du fonctionnement du club. On va parler également du développement du club. On va parler des partenaires. Comment il faut faire pour être partenaire pour l'USM Saran, par exemple. L'avenir du club. Et puis ce jeu, avec un sacré cadeau à l'appui. On vous en parlera, sera plutôt en fin d'émission. Notamment, deux places pour la finale de l'Europa League. 4 places, même, je crois. Ces 4 places, on me confirme. 4 places avec tout compris. Et compris le déplacement en avion privé, en jet privé, s'il vous plaît. Donc on vous expliquera comment participer à ce jeu. Et moi, je vais le découvrir en même temps à l'antenne, parce que je sais pas. Aurel, ça te parle, toi, ce jeu? Ouais, j'ai vu circuler des choses, mais je connais pas le jeu. Donc, j'aimerais bien jouer. Hein. Alors, moi, j'aimerais bien jouer. Hein. On verra, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ça sera en fin d'émission. Je vous propose de commencer l'émission, Jean-Marie, peut-être plus pour toi, sur le fonctionnement du club. Donc on connaît tous l'USM Saran depuis des années. Un petit rappel, Jean-Marie, de l'USM Saran à nos auditeurs de 442. Depuis combien de temps tu as la présidence de ce club? Saran Foot, c'est un club qui a été créé par monsieur Jacky Mazuka en 1974. Je suis arrivé moi-même en 1991. J'étais 2 ans entraîneur et je suis président de ce club depuis 1993. Donc on arrivera au mois de juin à 25 ans de présidence. Ça se fête. 25 ans, c'est vrai. Et tu as connu qu'un club, que l'USM Saran? Non, j'ai connu d'autres clubs, notamment le CA Pithiviers, où j'étais précédemment. Et puis avant, j'étais sur Bourges, puisque ma carrière professionnelle m'avait amené dans la belle ville Berruyère. Et donc avant, j'étais sur Bourges. Et puis bien sûr, j'étais aussi à l'origine de la création du club familial avec mon papa, l'USM Givray, dans l'Indre, à côté de la Châtre. Joli petit club amateur sous toutes ses coutures. D'accord. Alors, une petite question qui n'a rien à voir avec le SM Saran, mais cette question, elle me turlupine depuis pas mal de temps. Jean-Marie Bigeota, il supporte quelle équipe professionnelle? Il est plutôt du côté de Paris, de Marseille, de Bordeaux, de Lens, je sais pas. Est-ce qu'il y a une équipe, le premier résultat que tu vois le samedi soir, que tu vas chercher? J'ai pas de préférence. J'aime beaucoup le football sous toutes ses formes et sous différents paramètres. J'ai pas vraiment d'équipe chouchou. J'aime beaucoup la performance de chaque club avec des moyens très différents les uns des autres. J'ai beaucoup aimé Lens parce que mes frères ont fait un parcours là-bas et j'ai beaucoup aimé ce club. J'ai trouvé des valeurs très très fortes, mais j'étais aussi dans ma plus tendre jeunesse supporter de l'AS Saint-Etienne et des Verts, bien évidemment. J'adore Marseille, j'aime le Paris Saint-Germain, je suis pas sectaire du tout. J'aime le football et j'aime les émotions qu'il véhicule. Et Benoît, il supporte quelle équipe? Est-ce qu'il a une équipe en particulier? Benoît, il supporte l'USM Saran Foot. D'accord. C'est surtout cette équipe-là qui est dans mon cœur. D'accord, très bien. Bon, Aurel, je ne pose pas la question, non, je sais déjà. C'est le football espagnol, le football français. D'ailleurs, tu veux qu'on en parle ou pas? Qui est-ce qui a gagné ce match? Ah, c'est le Real Madrid. Et comment ils ont gagné d'ailleurs? Et comment, hein? Quelle prestation? Bon, c'est un autre sujet, on n'a pas le temps d'en parler. On en a suffisamment parlé dans les grandes radios. On va rester dans la bonne humeur. Ouais, exactement. On va pas se fâcher tout de suite. Alors, Jean-Marie, le fonctionnement du club de l'USM Saran, on est à combien de licenciés aujourd'hui, un club? Ça fait presque une dizaine d'années qu'on est toujours autour des 500 licenciés, donc ce qui fait de l'USM Saran Football un club phare au niveau de la Ligue Centre-Val de Loire en termes de licenciés. Donc c'est un fonctionnement qui n'est pas toujours simple, hein, parce qu'il faut veiller à ce que tout fonctionne bien sur le plan sportif, mais au niveau de l'encadrement, au niveau des infrastructures, au niveau de tous les secteurs d'activité qui tournent autour. Donc 500 licenciés, c'est bien. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de développer trop parce qu'on a, des terrains qui sont en nombre limité tout de même. Oui, 500, ça parle, Aurel. 500 licenciés, ça fait du boulot. Et moi, puis, il faut, ça fait longtemps que je connais le SM101 et ça a toujours été un club où il y a eu du monde, quoi. Ouais. Donc c'est un club qui vit, voilà, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Donc oui, c'est une entreprise, quoi. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Petite entreprise, oui. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'hommes à gérer également pour le bon fonctionnement du club. C'est ça, je crois qu'il y a il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se reconnaissent dans les valeurs de notre club depuis très longtemps. On a des principes de fonctionnement qui sont aussi assez simples, même s'il faut être vigilant pour qu'ils ne soient pas détournés de temps en temps. Mais bon, ça fonctionne bien. Et puis, comme Aurel l'a dit, ça dure depuis quand même très très longtemps. C'est un club sûr au nord de la métropole orléanaise. Aux valeurs sûres. Un club aux valeurs sûres. On sait que voilà, il y a toujours eu aussi des très bons résultats au niveau des jeunes. Et quand les adversaires rencontrent Saran, on sait que ça ne va pas être facile, quoi. Que ce soit les jeunes, les seniors, et compliqué d'aller gagner à Saran. Oui, c'est un peu notre marque de fabrique, mais c'est bien de souligner effectivement que au-delà de notre équipe première qui évolue au plus haut niveau régional maintenant, c'est un club jeune, hein, parce que c'est un club qui a été créé en 1974, donc c'est encore jeune pour un club de football. Ce qui est valorisant aujourd'hui, c'est aussi le positionnement de toutes nos équipes de jeunes au plus haut niveau régional, donc au sein de l'élite régionale. Et quand je vois nos 15 ans ou nos 14 ans qui évoluent ou qui bataillent contre l'aberration de Châteauroux, Bourges, Chartres, Tours ou l'USO, quelque part je suis fier, ouais. C'est prometteur pour les années à venir. Alors, on va parler de l'équipe première avec ce niveau qui est le plus haut niveau régional, tu l'as dit à l'instant. Donc, il y a eu cette non-montée en National 3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à l'antenne sur cette non-montée? Oui, c'était un moment douloureux, hein, l'été dernier. Donc, on a été privé d'accession qu'on avait légitimement gagnée sur le terrain, sur le plan sportif, avec une saison exceptionnelle autour de Yann Lachuer et d'un groupe de jeunes garçons qui avaient réalisé des prouesses. Bon, voilà, il se fait que dans le football, et moi je le comprends bien, il faut d'autres, il y a d'autres règles qui interviennent, et notamment sur le plan financier. Aujourd'hui, l'an dernier, Saran Foot n'avait pas une assise financière qui permettait d'accéder au championnat national. On a essuyé les plâtres, j'allais dire, c'est Saran Foot qui a essuyé les plâtres. On a entendu, on a corrigé, on corrige encore. Et on veut se donner les chances, bien évidemment, de ne plus jamais connaître ça. J'imagine que c'est une exception. Moi, je suis le foot depuis quelques temps. Et effectivement, Saran a longtemps évolué en division d'honneur. Et une montée en National 3, anciennement CFA2, qui était pas loin, c'est rageant. Aujourd'hui, Yann Lachuer est parti. Comment le club se comporte sans cet entraîneur qui vous avait fait virtuellement, on va dire, monter en National 3? Comment ça s'est passé, son départ, qui s'est passé assez rapidement? Oui, c'était début décembre. Donc depuis que Yann avait repris donc les destinées de notre club en juillet 2016, et on avait un deal entre nous en disant que s'il pouvait réincorporer le milieu professionnel, nous le laisserions partir. C'est ce qui s'est produit. Donc il a une offre très attractive de Créteil-Lusitanos pour entraîner un club de National 1, donc il n'y avait pas photo. Il remettait les pieds dans le monde professionnel, donc Yann est parti. Ça s'est fait très précipitamment, bien évidemment. Alors je ne cache pas qu'il y a eu un petit peu de turbulence, mais aujourd'hui la transition est faite. Nous avons fait le pari de confier l'équipe à Laurent Chéry, qui est un homme du Sérail, qui connaît bien donc ce club, et puis qui apporte certaines garanties dans son fonctionnement, avec, ne l'oublions pas, tout ce qu'avait semé Yann depuis 18 mois au sein de notre club. Ça a permis aussi aux éducateurs de pouvoir grandir, et aujourd'hui on a fait ce pari très très très normal, très logique, de confier la responsabilité de notre club à un garçon de Un garçon bien. Laurent Chéry que je connais, qui a joué un bon niveau aussi en football à Saint-Privé notamment. Et puis ça passe bien avec les gars. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs à l'image de votre club. Toujours pas de féminine, Aurèle. Tu peux pas nous trouver une entraîneuse. Tu vois bien que je lui parle plus. Quand est-ce que ça va se faire une Aurèle à l'USM Saran? Jean-Marie, tiens, à moi, c'est fini. Je lance les paris là ou pas? Non, c'est pas avec Jean-Marie. Un pari osé, c'est quelque chose qui se fera. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'été 2017 a été un peu chahuté au sein de notre club. On avait quelques priorités assumées. Ça a été très dur. C'était très dur, très douloureux, hein, pour moi. J'y pense encore quelques fois, mais il faut vite rebondir. Et donc, la section féminine n'a pas pu voir le jour. Mais évidemment, c'est un vœu très cher de lancer le pari. Et moi, je lance le pari devant vous que ce sera fait à l'horizon juillet 2018. D'accord, oui, donc c'est vraiment imminent, quoi. Imminent. Mais c'est vrai que dans beaucoup de clubs de la région orléanaise, Aurèle, t'es mieux placé pour moi que d'en parler. On voit beaucoup de football féminin. Et puis, à tout niveau. Oui, maintenant, ça commence à prendre de l'impact. Oui, là, ça commence à bien se développer. Au niveau du Loiret, notamment, on commence à avoir des équipes qui tiennent un petit peu la route, quand même. Autre que l'USO. Oui, autre que l'USO. On n'oublie pas Saint-Jean-de-Bray, on n'oublie pas Fleury-les-Aubrais également. Ouais. Un vrai potentiel, oui. Donc non, il y a des choses à faire. Et puis Saran reste en termes de proximité par rapport à l'USO, je pense que ça reste encore intéressant de pouvoir avoir une structure féminine sur Saran. Et dans beaucoup de clubs, il y a une section féminine et puis on prend l'exemple de l'USO ou Fleury, mais il y a des gamines de tout âge qui arrivent. Maintenant ça se développe beaucoup à l'école aussi, donc effectivement qu'il y a des choses à faire. Ça devient moins un sujet entre guillemets tabou à une petite quand tu lui dis tiens, tu veux faire quoi comme sport, la danse, etc. Maintenant le foot, ça devient quoi. Ouais. Donc juillet 2018, on aura une équipe. C'est une première révélation. On a un vrai savoir-faire, sans prétention aucune, mais on a un vrai savoir-faire. Ouais. On a cette volonté de développer cet axe du football féminin. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'on est un club qui est très attractif et on le voit bien au niveau du monde. Au niveau des jeunes, je pense que vous recrutez beaucoup de jeunes. C'est ça. Et donc, sur le plan des filles, il n'y a aucun problème. Il faut simplement qu'on se donne toutes les chances de réussir avec un éducateur ou une éducatrice qui soit en capacité de porter le projet. Oui, parce que c'est aussi une grosse mission, c'est du boulot et pas faire n'importe quoi. J'ai confiance en USM Saran. Ça fait quelques temps que tu en parles et puis là, tu l'as annoncé officiellement. Donc, il n'y a plus le choix. Ça se trouve, il va y avoir un gros papier demain sur la République du Centre, nos confrères, parce que Clément Grec, que tu dois connaître, qui nous écoute, forcément, charmant Clément. Et d'ailleurs, demain, je lui fais un petit coucou à Clément, parce que demain, il y a un super article sur Jean-Pierre Adams, qui me tient à cœur aussi, ce personnage. Demain, il y a une page entière qui lui est consacrée dans la République du Centre de demain. Je vous incite tous à rejoindre la page Facebook Jean-Pierre Adams, où sur cette page, on parle de lui avant et ses belles années. En aucun cas, on parlera de ça. De son calvaire qui vit au quotidien ainsi que sa fin. Un grand coucou à Clément, et ça se trouve Clément il va mettre un papier aussi sur le USM Saran. Oui, Clément, si tu nous écoutes. Alors on a parlé du fonctionnement du club, je voulais qu'on parle maintenant de la deuxième partie du développement du club. L'objectif, clairement, est-ce qu'il y a une montée en National 3, clairement, rapidement? Cette saison peut être un peu compliquée, mais je ne sais pas si Benoît ou Jean-Marie me prend la parole sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un objectif clairement défini au sein du club? Non, clairement, c'est ce qui nous est arrivé l'été dernier, ça n'a remis nullement en cause notre ambition qui est de développer le club et bien sûr de jouer le plus rapidement possible, d'évoluer le plus rapidement possible au niveau national. Pour ça, donc, il faut aussi écouter ce qui nous a privé d'y être cette saison. Moi j'entends bien, j'ai compris et on va tout faire, on va faire en sorte que tout ça soit gommé très très rapidement, que les aspects financiers ne deviennent pas des éléments trop polluants pour le développement de notre activité. Donc oui, notre ambition d'évoluer en National 3 existe, je pense que nous avons la légitimité d'y être et nous y serons forcément le plus rapidement possible. Cette saison, c'est pas terminé, on a une saison en demi-teinte pour le moment, Mais je pense qu'on fait des choses intéressantes, très intéressantes, et que nos jeunes, un jour, finiront par nous donner raison. Aurel, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'USM Saran National 3, rapidement? Est-ce que c'est possible dès cette saison? Pourquoi pas? C'est une saison, il reste encore des matchs, quand même. Il reste encore des matchs, et puis, effectivement, Jean-Marie le dit, hein, c'est une équipe jeune. Hein, aujourd'hui, sur les derniers matchs, ça peut se faire très rapidement. Enfin, on voit les résultats, on voit qu'il y a une vraie envie de faire des choses. Donc, non, il n'y a pas de raison pour qu'ils n'y arrivent pas à cette accession. Alors, je sais pas le classement actuel, tu m'excuses. Non, mais on est en 8e position, mais on a des matchs de retard. Donc, le coup est jouable, bien évidemment, à condition de ne plus musarder en route. Oui. Ça, c'est évident, hein, quand on se veut. Ouais, ça a musardé en coupe, là, c'est bon, c'est fini. Ouais, ouais. Donc, il faut aujourd'hui qu'on enchaîne des performances et qu'on soit un petit peu plus attentif à gommer certaines insuffisances. On s'est fait éliminer dimanche dernier à Pithiviers en Coupe du Loiret d'une manière finale, un peu cruelle. On s'est fait éliminer d'une manière aussi cruelle en quart de finale à la Coupe du Centre Val-de-Loire contre le Blois Foot 41, qui n'est quand même pas le premier club venu, hein, oui, qui joue clairement la montée en National 2. On a fait un très très bon match et on a fait jeu égal avec cet adversaire de qualité. Je pense que ça veut dire quelque chose. Maintenant, de le dire, ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui mettre les ingrédients sur le terrain pour arriver à concrétiser notre projet. Et au niveau des autres catégories, les jeunes, est-ce qu'il y a également des objectifs et ou une catégorie où vous voulez aller plus haut, au niveau national, mais, par exemple? À partir du moment où on est au plus haut de la pyramide sur le plan de la Ligue, sur les équipes de jeunes, forcément notre ambition va de pair. Et aujourd'hui, notre équipe U16, par exemple, est en tête de son championnat de Ligue. L'équipe U16, c'est l'équipe U16 d'Alain Sambou. Ouais. Elle est en tête, donc dans un championnat très relevé. Et le vainqueur de cette compétition aura droit à évoluer en championnat national 17 ans, l'an prochain. Donc voilà, je ne vous fais pas plus de dessins. Notre ambition, et je l'espère celle d'Alain Sambou, mais j'ai aucun doute là-dessus, c'est aussi de tout faire pour chahuter les grosses écuries que sont Blois, Berrichon et Châteauroux, Tours, enfin toutes les autres. Et de dire peut-être qu'un jour, très proche, une équipe de jeunes évoluera également au niveau national, ce qui ne ferait que conforter notre projet dans son ensemble. Et les U16, c'est des jeunes qui sont issus du club, qui... La majorité. Ça, c'est une génération aussi exceptionnelle qu'on a eue, hein, qui a été formatée il y a presque 7-8 ans, avec Stéphane Grégoire, qui était le directeur technique à l'époque, hein, qui n'est pas un inconnu, non, qui a fait du très très bon boulot au niveau de la restructuration de notre école de foot et du développement de la formation saranaise. Donc voilà, on arrive avec une très belle génération. On arrive aussi à un moment, aujourd'hui, des jeunes sont contactés pour aller dans le milieu professionnel. Je pense à Samuel Gentil, qui a rejoint l'an dernier le Stade Brestois. Gardien, c'est ça? Non, un attaquant. Autant pour moi. Très très bon joueur, Samuel. Aujourd'hui, je lis à travers certains mails que plusieurs clubs viennent solliciter nos joueurs. Je pense que ça veut dire quelque chose. On est en phase de réalisation de notre objectif, de nos objectifs. 4-4-2, tous les mardis de 18h à 19h, des invités, du foot et de la rigolade. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Jean-Marie, sur la partie développement du club? Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter qu'on aurait oubliées? Non, je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que le développement d'un club, quel qu'il soit et où qu'il se situe, passe inévitablement par un renforcement de sa structure financière. On l'a vécu à nos dépens. On n'a pas bien su maîtriser ce critère-là. Non pas qu'on ait rien fait, hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites sur le développement du partenariat privé. Je tiens aussi à dire que la mairie de Saran a toujours accompagné efficacement et loyalement notre club, encore dernièrement. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il faut qu'on développe notre secteur, nos ressources sur du partenariat privé. Voilà. Ça tombe bien, c'est la troisième partie. Donc Benoît Lancin qui est avec nous, qui est discret pour l'instant, on ne l'entend pas. Il laisse la partie... je savoure. Voilà, la partie sportive à Jean-Marie Bigeota. Donc effectivement, la partie partenaire, il y a beaucoup de partenaires. Il me semble qu'il y a beaucoup de partenaires au sein du club. J'imagine pas assez pour vous. Mais quand je vois les affiches sur votre page, notamment, qu'on peut citer, hein, l'USM Saran Football, ces affiches bien faites d'ailleurs, il y a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de partenaires et le souhait, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Bon, moi, je suis un ancien partenaire de l'ensemble des sections sportives de l'USM depuis plus de 20 ans, un peu pour le foot, du basket, du tennis, ça a été de l'équitation, ça a été le handball notamment, pendant des années et des années. Et puis là, une plus grande proximité avec l'USM Foot depuis cette rentrée, puisque nous sommes rapprochés, en tout cas, mon groupe, mon entreprise, mes équipes, de ce que fait Jean-Marie et l'ensemble du club de l'USM Foot. J'ai quelque part épousé en tout cas le projet du club à 3 à 5 ans, donc c'est un engagement de proximité sérieux pour accompagner le club. L'idée, c'est aussi de se donner les moyens d'un accompagnement peut-être un peu plus entrepreneurial et professionnel, à un moment de vie de ce club où beaucoup de choses sont, comme ça a été rappelé par Jean-Marie, prêts à fonctionner, prêts à se révéler. Donc c'est l'idée aussi de se rapprocher. Pourquoi ? Parce que nous partageons des valeurs communes avec les entreprises. Je dirige un groupe dans lequel nos équipes ont 25-30 ans de moyenne d'âge. On peut comparer l'état d'esprit, l'esprit d'équipe qui se fait. On ne fait rien, nous, dans nos entreprises et dans la mienne en particulier, seul, on le fait en équipe de la même façon que dans un club on fonctionne. Nous avons des directeurs, des managers, des équipiers, de la même façon qu'on a des joueurs et des éducateurs et un coach. On va livrer un match dimanche de la même façon, on va nous livrer deux matchs dans une journée. C'est deux rushs dans lesquels on va servir entre 400 et 500 clients dans les meilleures conditions possibles en une heure. Et donc, de la même façon, il y a cette intelligence collective nécessaire où chacun doit être à sa place, qui sera au drive, qui sera au born, qui sera en production. Et bien, de la même façon, on a le 4-4-2 aussi sur le terrain. Et de la même façon, cette coordination avec un coach sur le banc de touche qui délivre les meilleurs conseils. Et bien, tout ça est assez similaire. Bon, ça, c'est plus sur le fonctionnement. Après, l'idée, c'est aussi de monter en puissance, c'est-à-dire de faire en sorte que, à travers notre venue et d'autres partenaires, et bien, nous donnions les moyens d'un vrai club de partenaires qui donne envie, qui permet également aux partenaires de se rencontrer, de faire du business ensemble, d'échanger, de se reconnaître, de visiter les entreprises des uns et des autres. Tout ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis, j'ai occupé des fonctions d'ancien patron de l'Union patronale du Loiret, donc je suis très sensible, en tout cas, à tout ce qui est développement économique et tout ce qui est le fruit de la croissance à travers l'entreprise et l'envie d'entreprendre. Donc là, ce projet m'a intéressé à ce titre-là. Et puis l'idée, c'est aussi de se donner les moyens en interne, ce que nous avons commencé à faire, d'accompagner également le club sur la partie professionnelle de la communication, du recrutement, parce que pour aller chercher des partenaires, il faut également être accompagné d'une femme ou d'un homme professionnel en la matière. Donc on est en cours de recrutement d'une personne qualifiée pour nous accompagner là-dessus, de manière à ce que demain, eh bien, on puisse avoir, et on a déjà un certain nombre de candidats et de futurs partenaires, en tout cas, qui vont nous rejoindre, ce qui permet également de nous accompagner, comme ça a été cité tout à l'heure, sur des animations importantes, majeures, en tout cas, une belle illustration cette année pour ce début de saison. Voilà. Combien de partenaires à l'USM Saran vous avez aujourd'hui à peu près ? Soixantaine, oui. Donc ça fait, ouais. Hein, ça commence à faire des beaux partenaires. Comment on devient partenaire à l'USM Saran ? Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise, j'aime le foot, j'habite à Saran. Comment je fais, concrètement ? Qui je contacte ? J'habite à Saran. J'ai une entreprise, ou peu importe, hein, mais comment je fais concrètement ? Je vais sur Facebook, sur votre page Comment ça se passe ? Alors, on peut aller effectivement sur la page Facebook, on peut passer par les partenaires qui sont déjà présents, par Rodolphe Neveu, qui est notamment le patron aujourd'hui d'Hippopotamus Saran, qui est actif, présent un peu du club partenaire actuellement. Il y a Patrick Langer également, qui est représentant de la ville et qui est très très impliqué dans le club et qui lui a un réseau également important de connaissances, donc il mettra en relation. C'est aujourd'hui la meilleure façon, en tout cas, de venir. C'est également le dimanche, au moment des matchs, d'être présent au stade et de rencontrer les partenaires dans la loge des partenaires. Et c'est là aussi une façon très sympathique et très cordiale de partager un moment et de faire connaissance. Donc il y a mille et une façons, en tout cas, d'entrer en contact avec les partenaires présents. Après, nous avons un jeune actuellement, Nathan, qui est en bachelor, je lui souhaite d'ailleurs master, mais qui est en bachelor cette année, que nous accompagnons, et qui lui a aussi vocation à décliner l'ensemble des offres proposées aux partenaires, parce que l'engagement des partenaires, il est bien sûr financier, mais il est également moral, il est également de soutien, il est également de réseau, il est également de partager l'envie de la croissance de ce club et de son développement et de son rayonnement. Donc voilà, il y a plusieurs façons de rencontrer les partenaires du club. Et vous proposez des packs, par exemple, pack 1, il y a ça, pack 2, il y a ça, enfin je schématise, hein, mais est-ce qu'il y a différentes formules pour être partenaire ou tout est à voir Alors oui, c'est bientôt pack, donc on va en parler. Mais en attendant Pâques, on a des Pâques. Alors, bon, effectivement, on a un support et un outil, en tout cas, de communication qui nous permet de proposer un certain nombre de Pâques partenaires, Prestige, Premium, et j'en oublie certainement, l'accès au club partenaire, les panneaux classiques et la communication visuelle classique sur le site. Mais il y a plusieurs niveaux de partenariat avec un ticket d'entrée extrêmement raisonnable. Quand on voit le rayonnement de ce club, le public qui l'attire et son rayonnement à sa rang, et ça a été rappelé sur le nombre de les terrains présents, ça donne une très belle visibilité à proximité de la Cadoua, de la tangentielle. Il y a également des véhicules qui circulent, qui se déplacent. Il y a bien sûr les maillots et on a un certain nombre d'équipes qui sont porteuses de maillots et des couleurs des partenaires. Donc oui, il existe et ça a été complètement remis à plat depuis un mois et demi à peu près. On a un centre de pack partenaire avec pour chacun la possibilité de s'y retrouver, d'être visible à sa façon et comme il le souhaite. Moi, je vous invite à si vous écoutez l'émission et que vous voulez être partenaire de l'USM Saran, n'hésitez pas, dans un premier temps, peut-être à les retrouver sur leur page Facebook, l'USM Saran Football, par exemple, hein, c'est une idée, de les contacter directement et puis de se rendre au club, parce que je pense qu'il y a toujours, quelqu'un les jours de match, forcément, et c'est comme ça que les affaires se font entre partenaires. Et puis, moi, je voulais aussi souligner, Aurel, aussi, on en avait parlé tout à l'heure, toutes les animations que vous pouvez faire, parce que c'est assez impressionnant, des animations importantes comme le loto par exemple, où vous rassemblez plus de 600 personnes je crois, et puis d'autres manifestations. Donc comment qui choisit ces manifestations, Jean-Marie? C'est assez répétitif depuis quelques années. Donc, on a la chance de bénéficier aussi du savoir-faire de nos bénévoles, avec en chef animateur donc Patrick Langer, comme Benoît Lancin l'a souligné tout à l'heure. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ça fait partie un petit peu des gènes de notre club. On se doit aussi de proposer d'autres formes d'animation, un petit peu comme dans les autres clubs. Mais en tout cas, on le fait plutôt bien et on est de plus en plus efficace sur dans ce domaine. L'expérience est là. L'expérience est là. Nos achats sont mieux calibrés. La satisfaction est de plus en plus grande aussi dans tout ce qu'on propose. Et puis, on va aussi recevoir la fête du football du district au mois de juin prochain pour un nouveau plateau extraordinaire de jeunes garçons et de jeunes filles qui pratiquent le football. C'est à peu près 3000 minots qui sont sur le parc Rabartin à Saran ce samedi 9 juin, je crois. Le 9 juin. On est en capacité de le faire. On a un vrai savoir-faire. Donc, il faut aujourd'hui, et il faut qu'on développe autour de ce savoir-faire, il faut qu'on développe le faire savoir. Et le faire savoir, c'est aussi développer, comme Benoît vient de le souligner, notre partenariat privé, tout en préservant nos principes de fonctionnement et les valeurs qui animent notre club. C'est très important. Et ça, je crois que Benoît en a largement parlé tout à l'heure. On ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On veut le faire durablement. Et je vous rappelle que ce club s'est construit de manière très régulière. Oui, moi, j'étais président il y a 25 ans. Si vous reprenez mes écrits d'il y a 15 ans, je disais, attention, le plus dur arrivera chaque année. Parce que plus on montera, plus ce sera difficile. Aujourd'hui, force est de reconnaître que j'avais été un peu visionnaire sur le sujet. On était insuffisamment en phase sur le plan du partenariat privé. Et je crois qu'avec tout ce que Benoît vient de présenter, aujourd'hui on y est. Et on va développer. On a un remerciement à vous faire, l'USM Saran, pour l'accueil des résidents des 100 Arpents. Je ne sais pas si ça vous parle bien ou sûr, pas, de la sûr. Part de Sébastien Billot et Claude Delora, qui vous remercient beaucoup. Bien sûr. Voilà. Mais donc c'est du direct, c'est la semaine tombée. C'est aussi notre façon de fonctionner. On a travaillé l'intégration de Stéphane Grégoire l'a beaucoup facilité. C'était sur le sport adapté. Donc c'est important aujourd'hui de trouver d'autres formes d'évolution du football et d'autres intégrations. Alors, avant de se faire une petite pause musicale, moi je voulais qu'on parle également rapidement d'une soirée qui va arriver, qui est le samedi 21 avril, qui est la soirée Paella de l'USM Saran, qui est une soirée qui rassemble beaucoup de monde en général. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à retrouver le club sur la page Facebook, l'USM Saran Football, avec cette soirée Paella, avec un prix raisonnable qui est de 20€ pour les adultes et de 10€ pour les enfants, moins de 13 ans. Les inscriptions auprès du secrétariat du club, hein, Jean-Marie ? Absolument. On peut dire ça comme ça. Et puis, Aurèle qui chantera à l'entracte, avec son accordéon. Si tu veux. Hein ouais. Sans mon accordéon, mais je peux venir chanter. Elle a déjà le micro. C'est noté, Aurèle. C'est... Ah, voilà. Merci, Aurèle. Jean-Marie, c'est bon. Voilà. Il a acté. Ça y est, sa carrière c'est débute, ça, elle ouais. En rêvait. Mais t'es déjà allé à Saran ou pas, toi ? C'est vrai. Ah oui, alors moi, pour la petite histoire, moi j'ai connu Jean-Marie il y a très longtemps. Alors là, tu vas mettre un bon coup dans la tête. Mais quand j'étais jeune, 18-20 ans, j'écrivais des articles pour la République du Centre. Et j'ai suivi, j'étais même quasiment à chaque match à domicile, en division d'honneur. Et moi, c'était l'époque de Farid Gachi, c'était l'époque Boulanger, à gauche, ça, c'est l'époque arrière où gauche, j'y étais, en fait. L'époque où tu étais. Et ouais, c'était une belle époque aussi, ça. Ouais, Galamon, les noms reviennent tout doucement, mais aussi un super milieu de terrain que j'adorais, petit, désolé. Aujourd'hui, je pense que l'USM Saran, ça reste une grande famille. Quoi. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de clubs en interne et en externe, mais enfin, j'ai jamais retrouvé ailleurs qu'à Saran l'ambiance qu'on peut y voir, quoi, qu'on peut y trouver en dehors du terrain, en fait, je parle. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce club. Hein, si j'y suis resté 25 ans, tout en étant professionnellement quelquefois sur Nantes, sur Caen ou sur Le Mans, c'est que forcément, moi aussi, j'y retrouvais des choses. Et c'est vrai que c'est ça fait plaisir à voir. Et on a eu beaucoup de très très bons joueurs de football. Quand je disais tout à l'heure, Saran est très attractif. Il l'est encore. Et on a eu de très très bons joueurs. Tous ne sont pas restés, mais tous ont gardé, je crois, quelque chose comme une notion d'identité avec ce club, et ça c'est très très important. Une belle image aussi, alors vous êtes dans les studios, on vous dit que du bien, mais c'est la vérité. Une belle image aussi, on n'a jamais trop entendu l'USM Saran dans des c'est vrai Cyril, tu as raison, il y a vraiment une belle image, raison de le souligner, parce que au fronton de notre club aussi, c'est la performance dans l'exemplarité. Aujourd'hui c'est pas qu'un adage, quoi, c'est quelque chose qu'on travaille, que les éducateurs travaillent régulièrement. Le dernier classement au niveau de la Ligue du Fair Play montre qu'on est vraiment sur les bons rails. Nos équipes sont souvent distinguées, c'est-à-dire qu'on a des performances, mais on le fait aussi dans un état d'esprit irréprochable, quasi irréprochable, parce qu'il arrive quelquefois quelques dérapages, malheureusement. Mais en tous les cas, on est vraiment sur ce mode de fonctionnement-là. On va se faire une pause musicale, et la seule pause musicale. Après, on reviendra forcément à parler de l'USM Saran. On parlera de ce jeu, de ce beau jeu qui va arriver, vous allez voir. Alors, il n'y a rien à gagner aujourd'hui, hein, ça ne sert à rien d'appeler, parce qu'on a, on commence à avoir des appels. Enfin, j'ai eu des appels tout à l'heure. Mais en tout cas, on va parler de ce jeu, de la finale de l'Europa League, où l'USM Saran va faire gagner 4 places. On va en parler. On va écouter une seule pause musicale, et puis c'est une pause musicale, on vous l'a dit en début d'émission, cette pause musicale est dédiée à Amélie. Voilà, Amélie, malheureusement, qui est décédée. C'est compliqué de dire ça, mais c'est la vérité. Donc, en tout cas, la famille Grison, les trois frères, on est tous derrière vous dans cette terrible épreuve. Il n'y a pas de mots. On fait une pause musicale, et je pense que c'était une musique que Amélie aimait. En tout cas, cette musique est pour toi, Amélie. La première pause musicale dans votre émission. La pommade, toute ma vie je la ramène dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demande à mes létas, m'envoie tes lettres. Moukli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né, pas honte de l'armée, c'est pété, moi je suis frissonné. Né, dans la jungle, je suis sauvage, un gros âge pour m'isoler. Le grosse tasse qui déboule sur mon arme, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pipi, elle est loin la pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes belles au cas où ça tire. Joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le tir. J'suis de l'époque de la Sega, j'm'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico, rico, j'débarque, boum, ratatata. Fais gaffe, faut hype, c'est pas patatata. J'connais millions méchants, toujours pas la la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant, c'est chelou. J'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouclé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Da, da, da. Bas les couilles pour eux, j'suis un ta. 4-4-2, c'est 5, c'est long. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mec. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Hello, hola. Tes lèvres ne me font plus penser. Hello, hola. Mes rêves ne me font plus bander. J'ai sorti une arme dans le respect. La patience, le temps pas testé. Gratte pas l'amitié, pas de nouveaux amis. Pas l'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mougli chercher mes tailles. Je retourne pour la visite de l'Afrique. Tout est possible, je fais oseille, tout devient réel. Elle aime les voyous, je suis un chitana, cherche mec mortel. Poutin épluche mon cœur. Ton putain de futur au bout d'une chaîne. Ne m'attends pas, attends pas, ou cache ta vie dans mes bras. Petit ange qu'elle laisse, tu sens la couronne à Simba. Da, da, da. Bas les couilles pour le chien. Da, da, da. Bas les couilles, c'est pété même pas. Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Pas, pas. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mec. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tesse. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Bas, bas, vers rom, pom, pom, pom. 4-4-2, tous les mardis, de 18h à 19h, des invités, du foot et de la rigolade. 18h41, émission spéciale USM Saran. On arrive sur la dernière partie de l'émission. Déjà, ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble à parler que du club de l'USM Saran. Alors sur cette dernière partie, on va parler du jeu qu'on voit un peu partout, où le titre c'est Envolez-vous et vivez la finale Lyon 2018. Alors carrément l'Europa League, là. Hein. On parle pas de Coupe du Loiret ou de Coupe du Centre. Hein. L'Europa League où vous pouvez... Alors, on va en parler un peu plus longuement avec Benoît, qui est avec nous, partenaire majeur du club. Vous pouvez jouer gratuitement lors de chaque match à domicile et vous gagnez deux packs VIP pour deux personnes. Mais quand je vous dis que c'est VIP. Hein. Avion privé, transport, transfert VIP, le repas et le match. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur ça, Benoît? Alors, la philosophie d'un commun accord avec Jean-Marie et le comité directeur de l'USM Saran Foot, ça a déjà été de poser un principe qui était que toutes les entrées, c'est très important, toutes les entrées au match à domicile à Saran sont devenues gratuites. Donc ça, c'est majeur. L'idée, c'est... bon, nous allons vers cette Coupe du Monde. L'idée, c'est de se mobiliser autour du football et des valeurs du football, de ce que ça véhicule, et de donner l'envie aux uns et aux autres de découvrir ce club, les équipes qu'elle reçoit, bien évidemment, et telles qu'elles s'expriment ici sur le terrain, ça rend. Donc déjà, c'était un premier principe acté par tout le monde, qui a été partagé, qui était de dire « ouvrons ». Ouvrons nos portes et donc il n'y a plus d'entrée payante déjà le dimanche pour les matchs à domicile, donc USM Saran. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, ça a été de dire, dans le cadre de notre réflexion et de notre partenariat, voilà le type d'animation qu'on souhaite mettre de manière à mobiliser vers un cadeau emblématique hein, qui était celui de faire rêver et de dire voyons comment nous pouvons emmener un certain nombre de supporters de personnes présentes dans le public à USM Saran vers cette finale mythique de l'Europa League à Lyon le 16 mai 2018. Et donc nous avons mobilisé les partenaires autour de nous. Alors bon, juste parce que je pense qu'il mérite d'être cité la pâtisserie Roi à Saran, Carrefour, Sweet Home, Bourbon Palette, bien sûr, Intercave sur la Sénale 20, Balza, Flighty, société d'aviation d'affaires, et Burger King. Nous avons mis sur pied une opération qui est très séduisante. C'est l'idée d'emmener 4 personnes par tirage au sort. Donc jusqu'à la fin de la saison, enfin jusqu'au 13 mai, je crois que c'est le dernier match, eh bien non seulement les entrées sont gratuites, mais il y a une tombola gratuite. Donc tombola gratuite à partir du moment où on vient assister au match à Saran, eh bien on dispose de tickets de tombola gratuits en venant, de tickets supplémentaires de tombola gratuits en passant par la buvette, et avec tous les partenaires de l'opération qui eux-mêmes possèdent un nombre de tickets de tombola gratuits remis à leurs salariés, leurs collaborateurs, la famille des amis, enfin bref, l'idée étant de faire le maximum de bruit autour et de mobiliser le plus largement possible. Donc tout est possible, c'est une tombola gratuite qui permet à tout un chacun, en s'approchant le plus possible du stade et du terrain le dimanche, de pouvoir déposer son ou ses bulletins, en tout cas dans l'urne, et il y aura un tirage au sort. Et alors ce tirage au sort, pour cette finale d'Europa League, effectivement, ça a été calibré de la façon suivante. À partir d'un départ de Saran en navette, en van, vers l'aéroport d'Orléans-Saint-Viotel, donc aéroport du Loiret, qui est un aéroport aujourd'hui qui a des approches de précision avec des aides lumineuses, ainsi de suite. Donc c'est un aéroport de dimension même internationale, puisqu'il y a, aussi des vols internationaux qui viennent. Et bien, possibilité à 20 minutes de Saran de partir avec un pilote professionnel et un reporter d'Info-Orléans vers Lyon. C'est fou ça. On atteint en 50 minutes au départ d'Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel, donc on désenclave le cœur de la région centre en quelque sorte, d'être accueilli là-bas et avec, encore une fois, un minivan, de passer par un restaurant, bien évidemment, et d'ensuite d'assister au match. Donc ce sont quand même des places de très haut niveau, d'assister au match de la finale de l'Europa League, et à l'issue du match, de faire un retour vol de nuit, donc ce qui est aussi magique, de 50 minutes vers l'aéroport du Loiret, donc je dirais aéroport métropole aujourd'hui, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, puis la dernière distance à parcourir, ce sont les 15 ou 20 dernière minute, qui ramène au club où là tout le monde attendra ces quatre finalistes, en tout cas, ou en tout cas les quatre heureux vainqueurs, et qui pourront nous raconter et partager la petite coupe de champagne qui va bien. Donc voilà l'enjeu, en tout cas, que nous avons mis autour de ce jeu, faire en sorte qu'il y ait une vraie mobilisation autour de ce club, une vraie mobilisation parce qu'il y a cette tombola est gratuite, ouverte à tous, parce que les entrées sont aussi gratuites, et que c'est comme ça aussi que nous disons que ça a du sens de mobiliser, d'emmener des jeunes autour de nous et de leur donner envie d'accompagner le club. Et puis là, l'Europa League, c'était sauf la Coupe du Monde en Russie, mais sinon c'était un peu trop court pour s'organiser, on va juste dire ça comme ça. Donc l'Europa League, c'était déjà très bien. C'est pas mal, hein, il en reste encore des sacrées belles équipes, hein, nos équipes françaises, Lyon, Marseille, Atlético Madrid, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut souligner, effectivement, le cadeau, qui est quand même un cadeau plus que prestigieux. Moi, honnêtement, dans le Loiret, je crois que ça s'est jamais fait. Voilà, tu confirmes, Benoît. Mais ce qui a souligné également, c'est deux choses. C'est l'entrée au stade qui est gratuite et le jeu qui est gratuit, quoi. Donc, je vous invite tous à rejoindre l'USM Saran les jours de match. Alors, les jours de match de l'équipe première, on est bien d'accord. Tout à fait. Hein, de l'équipe première. Et profitez, parce que c'est un cas unique et c'est rare. Aurèle, t'aimerais bien y aller, toi? Hein? Ouais. Ouais. Moi, c'est mix. Avant tout, aller voir Saran, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Ah, j'aime bien le cadeau aussi. J'aime bien Saran, mais le cadeau est quand même pas mal. Ok. Donc, est-ce qu'on peut rajouter des choses sur cet événement? Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Jean-Marie, Benoît? Non, je crois que tout le monde aura compris que c'est vraiment une très très belle animation, oui, qui est le fruit donc d'une réflexion initiée en décembre dernier entre nous. Donc, c'est aussi la manifestation très claire que l'USM Saran Football est en train de bouger, d'évoluer. Ça, c'est évident. Moi, je le ressens. Hein, j'ai quand même quelques repères au sein de ce club. Aujourd'hui, depuis 6 mois, ce club est en train de bien évoluer autour du projet sportif, mais aussi, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de nos partenaires, pour lesquels l'ensemble de nos 60 partenaires, pour lesquels je souhaite vraiment exprimer ma profonde gratitude, parce que, comme pour le footballeur, nous visons également la fidélisation de nos partenaires. Ça, c'est très, très important. Voilà, on ne veut pas construire sur quelque chose qui ne durerait pas. Donc, on est en complète osmose avec Benoît Loncin, mais avec les autres partenaires également. On veut véritablement amener ce club à sa dimension naturelle. Et dimension naturelle, comme je l'avais déjà évoqué la première fois, dans une métropole comme celle d'Orléans, il y a forcément de la place pour un bon club professionnel qui est aujourd'hui l'USO, et puis au moins deux clubs de très bon niveau amateur. Donc, sur le sud de la métropole, aujourd'hui, on a Saint-Privé qui fait excellent très, très, très bon, très bon travail. Et moi, je les salue une nouvelle fois, mes amis Jean-Pierre Augis, Jean-Bernard Legroux et puis Baptiste Ridira, le jeune coach qui fait vraiment du bon travail après Michael Ferrara. Donc, et sur le nord de la métropole, on pense très très légitimement que Saran aujourd'hui peut aussi s'échapper et devenir un bon club amateur. Voilà, et forcément, ça sera notre ambition à court terme. En tout cas, amis auditeurs, je vous encourage, donc je vous l'ai dit, à aller voir déjà l'équipe première qui joue au football et bien au football les jours de match, et puis pourquoi pas gagner. Donc je répète, vous pouvez, donc l'entrée est gratuite, vous allez au stade, vous voyez déjà un beau match de football dans une bonne ambiance conviviale, et après vous avez peut-être la possibilité de gagner un cadeau exceptionnel. Il faut vraiment dire le mot, parce que c'est exceptionnel. Donc c'est 2 packs VIP pour 2 personnes pour aller voir la finale de l'Europa League avec l'avion. Donc déjà il y a le van qui vous emmène de Saran à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Après on a l'avion privé, le transfert, le repas et puis le match, et puis on vous ramène à domicile, quoi. Donc Mais bon cadeau. Le tirage au sort, il aura lieu quand de cet événement? Le tirage au sort, il aura lieu le... Dimanche 13. Dimanche... non, d'ailleurs, ce ne sera pas le dimanche. Ah bon. Moi, je crois qu'on va jouer le samedi 12 mai. D'accord. Le samedi 12 mai, c'est la dernière rencontre à domicile de notre équipe première. Ce sera contre Avoine Chinon, le 12 mai. Donc, ça sera un tirage au sort qui sera effectué devant huissier. D'accord. Donc, pour... voilà, tout est bien cadré pour que ce soit bien fait. Oui, j'imagine. La meilleure façon de se rendre à Lyon, à l'Europa League, c'est de participer au jeu. Ben oui, c'est tentant. C'est plus, tentant on, ouais. Plus on est présent lors des matchs à domicile, plus on mobilise autour de soi. On a toutes les chances d'avoir des tickets de tombola via les entreprises partenaires également qui en distribuent. Sur place, bien évidemment, en passant par la buvette, en se rafraîchissant. Bref, toutes les occasions sont bonnes. On peut jouer plusieurs fois, enfin il n'y a pas de limite là-dessus. Donc l'objectif, il est vraiment de se donner les moyens d'avoir le plus grand nombre de participants. Et bien sûr, le tirage au sort dans les règles de l'art faites par l'huissier, tout ça est prévu et bien cadré. Mais donc plus on multiplie ses chances de jouer et de gagner. Aujourd'hui, le jeu il a déjà commencé. Oui. Oui. Et vous avez vu, vous, de votre côté, une différence entre les absolument. Matchs d'accord. On a vu un engouement, c'était un derby du Loiret, on recevait Amilly qui était leader, ouais. Qui est toujours le leader, d'ailleurs un très bon leader. Saran a battu le leader ce jour-là, mais il y avait du monde au stade, il y a une influence qui était plus importante que d'habitude. Mmh. Et puis on va dupliquer ça, donc dès dimanche prochain on reçoit les Portugais de Bourges. Le 31 mars, la veille de Pâques, on va recevoir Saint-Jean-le-Blanc, donc pour un derby très animé aussi de la métropole. Et donc, il y aura également un match au mois d'avril. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous nos matchs, maintenant, on va aller, à part celui de dimanche prochain, mais sinon, on évoluera le samedi après-midi. D'accord. Pour, justement, on pense qu'on a davantage d'affluence à ce moment-là. Il y aura donc encore, pour terminer, un match contre Blois et un match contre Avoine Chinon. Il reste 4 matchs, avec, je l'espère, autant de victoires à domicile que de réussites sur le jeu. Europa League, personnellement, je suis ravi qu'on ait pu monter cette animation qui est magnifique. Et comme on ne veut pas rester, on veut toujours avoir un petit coup d'avance, on va travailler également. Sur la Coupe du Monde 2018 en Russie, on va bien trouver quelques petites animations extrêmement sympathiques qui font pas le jour partout quoi. On essaie d'être un petit peu original, mais c'est important. Ok, messieurs, est-ce qu'on a Benoît une dernière chose à dire sur cette émission qui va se finir dans quelques minutes? Vous remercier de la fin peut-être. Aurel et toi de cet accueil, d'avoir consacré cette émission Arc-en-Ciel à ce beau projet, à l'histoire bien sûr de ce club, l'USM Saran Foot, et Jean-Marie l'a bien rappelé, mais également à ces fondamentaux qui sont là aujourd'hui et qui font qu'à notre avis, de notre point de vue, nous on y croit. Bon, moi je pense que quand je me colle à un projet, je ne le lâche pas et je le porte. Les gens connaissent un peu mon parcours, donc c'est une vraie passion, une grande envie d'accompagner ce club et de faire en sorte qu'on ait beaucoup de partenaires qui nous rejoignent, mais également qu'on soit aussi très attentif à ce que l'on délivre au niveau du club en termes de valeur, en termes d'évolution pour les jeunes. Voilà, donc je pense qu'on a une grande chance ce soir, c'est d'avoir eu votre antenne, de donner l'envie bien sûr, parce que bon, l'envie d'aller à Lyon dans ce cadre-là, bon, c'est magique, et donc bien sûr, je pense que ça sera un déplacement mythique et qui plaira, donc merci encore, un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés là-dessus. Avec plaisir, Aurel. Hein, on est content de recevoir les clubs locaux, nous. En tout cas, voilà, 4-4-2, on reçoit des joueurs professionnels, on reçoit des journalistes professionnels, on reçoit des anciens joueurs, et puis on reçoit aussi des clubs, n'importe quel club locaux, et peu importe le niveau, la porte est grande ouverte. Et d'ailleurs, pour ça, vous pouvez nous retrouver sur 4-4-2, l'émission 100% foot, sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire une demande en privé, et puis on étudiera, mais logiquement, l'étude est rapide. Et on vous garantit pas de passer tout de suite, parce que le planning est bien chargé, mais en tout tout cas, c'est avec plaisir. Donc 4-4-2, 100% foot. Et d'ailleurs, vous retrouvez le sommaire des émissions, les photos des invités, les photos des émissions, les replays des émissions également, bientôt 19h. J'espère que l'émission vous a plu. Exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. C'est exceptionnel. En général, on est tout le temps là, mais pas d'émission. Le 27 mars, notez bien, c'est dans 15 jours, une sacrée belle émission. On recevra Patrick Viot, le mythique gardien de l'US Orléans, Patrick Viot, 240 matchs avec l'US Orléans, qui est d'ailleurs le recordman des joueurs de l'US Orléans. Et son fils. Et son fils Romain, qui est un ami que j'aime beaucoup et qui était un sacré joueur, un peu comme son papa. Fallait pas trop le titiller, Romain. On va dire ça. Il fallait pas trop le titiller. Mais Romain Viot donc a fait aussi les belles heures de sa foot, hein, puisqu'il a participé en décembre 2007 à la belle aventure en Coupe de France contre Nantes, contre le FC Nantes, ouais. Du président Kita. Il était déjà président. Ouais. En tout cas, merci à toi, Romain, si tu nous écoutes, parce que Patrick, son rapport est pas très radio, clairement. Et voilà, je voulais vraiment qu'ils viennent parce que c'est ça, 4-4-2, de parler aussi des anciennes gloires et 240 matchs avec un même club. Et bien, il n'y en a pas beaucoup. Et on va essayer, j'ai quand même très bon espoir, on va essayer de faire venir aussi notre parrain, notre chouchou, Thomas Renaud, qui est à 239 matchs avec Orléans, à un match. Donc, je peux vous dire que Thomas, il n'a qu'une seule idée, c'est de battre ce record. Je pense qu'il va le battre, hein. C'est quand même. J'espère qu'ils vont le laisser le battre. Ça, c'est pas gagné, par contre. Mais en tout cas, voilà, certainement, on n'a pas encore l'accord du US Orléans, mais certainement Thomas Renaud qui sera avec nous, le parrain de l'émission, dans l'émission. Merci Aurèle d'être parmi nous. Merci encore Jean-Marie et Benoît d'avoir. Merci à vous. Merci à Benoît. Merci Jean-Marie. Avec plaisir, on se quitte non pas avec le générique habituel qui est Lost Frequencies Fit, que vous connaissez régulièrement. Par cœur, parce que c'est notre générique, c'est on s'est battu pour l'avoir, on l'aime bien, mais on va se quitter avec une musique qui est l'artiste va et vient. Une musique pour toi, Amélie, voilà, cet ange parti trop tôt. En tout cas, toute l'équipe de 4-4-2, toute l'équipe d'Arc-en-Ciel est vraiment derrière la famille Grison. On le dit honnêtement, pour Yann, Franck, après je connais pas tout le monde, donc je vais citer les gens que je connaisse. Mais en tout cas, Franck, voilà, sachez qu'on est derrière vous. Sur cet événement malheureusement tragique, il n'y a pas de mots, hein, perdre un enfant c'est compliqué, mais à 20 ans encore plus j'imagine, et puis si soudainement, voilà, donc ça a été compliqué. En tout cas, on a pas craqué avec Aurèle, on est content. Moi je pensais, merci l'USM Saran de nous avoir fait une belle émission. En tout cas, cette émission était dédiée à toi Amélie, voilà, famille Grison, on vous aime, on vous le dit, on vous aime, bon courage, vraiment très gros courage à vous pour jeudi. Bonne semaine à tous, à bientôt, ciao ciao. Salut. Au revoir. Ciao. 4-4-2, tous les mardis de 18h à 19h, des invités, du foot et de la rigolade. C'est la lumière, d'augmenter la dose. J'profite de l'instant car mes ennemis ne font pas de pause. Elle fait des vibes, je lui dis viens on vibe. Elle dit t'es pas un mec bien, et je sens qu'elle me travaille. Elle fait kiffer le boss, le traficante. Moi je la veux entière, je veux pas juste de la fréquenter. Je pense qu'elle me sous-estime, chérie je suis capable du pire. Je suis capable du meilleur, mais ça je peux pas trop te le dire. Bon, reste avec moi, juste una noche. Ton mec n'est pas capable, il est bourré, il est fauché. C'est pas la bonne paire que t'as chaussée, pas le bon fond de teint que t'as sur les fossettes. Avec moi t'auras tout, et tout ça sans négocier. Baisser la lumière, augmenter la dose. On dirait qu'elle marche calibrée.